On m'a dit que la vie ne fait pas de cadeaux. On m'a dit que ça m'en voulait, alors j'ai plus d'un tour dans le sac à dos. Et ne parle pas des autres quand t'es un sac à flash. À Marseille, je pars à la pêche avec des CZ décalage. Fais gaffe avec qui tu traînes, fais gaffe tes fréquentations. Y'a des grosses équipes qui se forment, y'a des altercations. Ouais, ouais, tu peux finir mort en allant à la station. Un 3 sous rotation, y'a trop de mauvaises interprétations. Désolé, je rappe cru, je suis en mode pénétration. Je suis à la zio, j'ai pas la son, je suis à la vodka, fruit de la passion. Fais pas la salope, fais pas la tasse, sinon t'as pression. Je l'arrête donné toute ma vie, ils m'ont offert qu'un capricieux. Tu connais pas le quartier, veux je te montre les parties sombres. Quartier sud, tu fais partie de ceux qui sont encore la même que le quartier sombre. Je suis sur le jarret, voire rapide dans Ishko, quartier nord. Beau, Marseille la puissance, tu veux nous tester mort. Quand tout va pas, des fois je fais l'alcoolique. Et je laisse pousser les cheveux, les couilles grosses comme des boules de bowling. Cagoulé, je vais débouler, plus de 1000 sons à mon actif pour 2017. J'ai déjà deux albums que j'ai fait dans la foulée. C'est pas maintenant que tu vas me voir couler. Je finirai sur les îles, je suis encore vivant, je danse la couleur. Je représente tout le monde du 94-01. Cet été je vais bander à Honda DN01. Dans ce monde y'a que des requins, y'a même des rats dans les recoins. Tu le sens, je te fais confiance quand tu me rends mes sous. Même pas je recompte. Claire, le guetteur, quand y'a la frappe, le charbon pète à corps. Ils en ont pété plein, ils en répéteront encore. T'as vu mes baskets, ils ont beaucoup de kilomètres. Comme CRS qui revient chargé avec beaucoup de kilomètres. C'est la crise au tech, mec. Je suis l'ovni sur ma mec. J'ai le carabus capé, j'ai les couilles à zépec. Je grossis, j'ai même plus de pec. Tu trahirais sur le tech. Je dis tout quand je règle, ouais, mec. Ça te monte ta tête comme un sgeg. Le rap, je le fous à sec. Tu parles de mon bébé, viens me soque. Quand tu deviens trop fort, c'est comme ma FIFA, on te jette le sac. Hein. Et je ferai jamais ce qui veulent, ils m'auront pas, c'est con. Moi, ils rappent, on se kiffe. Ton MC crie au secours. Je dédicace le quartier, c'est là-bas que j'ai grandi. Je traîne dans la pente au tramway, envoie le mandat que ça cantine. Et beaucoup trop sont rentrés depuis l'époque de marre de tout. Libéré Amada, mes autres potos sous écrou. Y'avait rien à faire avant, je sonnais même sous la pluie. Je me rappelle comme si c'était hier de ma première cuite. De ma première fuite, de ma première folle. De mon premier concert, ouais, de ma première foule. Je commençais dans le foot, j'étais 10 ou attaquant. Appel contre appel, fais-moi la passe quand je pars à gauche. J'en dribble un, je casse la cage, je fais le single quand je marque. Je suis à la cul, je suis à la page, tu vois pas comme le game je le marque. Trop stylé avec le 4-6 d'or aussi. Je suis équipé, je suis outillé. Ça pète, tout ça négocie. Maintenant tu peux plus parler normal avec les gens, il faut tous les grossistes. Hein? Avec les gens, il faut tous les grossistes. Je peux plus parler normal avec les gens, il faut tous les grossistes.